Découvrez l'application Radio France. Écoutez vos radios en direct, retrouvez toutes vos émissions à la demande et les podcasts originaux des chaînes de Radio France. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous aviez toujours voulu le savoir, mais vous n'osiez pas le demander. Dans une heure pourtant, vous saurez comment l'historienne française installée à Los Angeles, Laure Murat, conçoit l'idée de la culture générale et comment elle a constitué la sienne. Sans oser le demander, Mathieu Garrigou-Lagrange. Une émission proposée aujourd'hui par Cyril Marchand, Laurence Genepin, Jean-Christophe Francis et Félix Delacour. Elle aime les palmiers de Californie, tout autant que le métro de Paris aux heures de pointe. Mais elle aime aussi les archives dans lesquelles elle cherche des parcours de gens à côté, hors normes ou entre deux. Elle-même précisément se trouve entre deux, entre la France et les États-Unis, mais aussi entre ses ascendances de la noblesse d'Empire et son intérêt pour la théorie queer. Telle est l'historienne Laure Murat, à qui l'on doit de nombreux ouvrages, dont le dernier s'appelle « Qui annule quoi ?» et porte sur la cancel culture. Mais on pourrait tout aussi bien citer Flaubert à la mode dans lequel elle ne déboulonne pas les statuts de grands écrivains, bien au contraire. C'est d'ailleurs cette question de savoir ce qui est légitime au sein de notre culture commune que nous garderons en tête durant l'émission d'aujourd'hui. Dis donc, tonton, quand vous déconnez comme ça, vous le faites exprès ou c'est sans le vouloir? C'est pour mieux te faire rire, mon enfant. La vérité, c'est que tantôt on le fait exprès et tantôt pas. Si c'est pour vous moquer de moi, je peux vous dire que vous n'êtes que deux vieux cons. Qu'est-ce que tu veux? C'est la nouvelle vague. La nouvelle vague, elle commence. Ouais. Oui, ça va, on sait. Mais enfin, Zazie, si ça te plaît de voir vraiment les Invalides et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon, mon cul? M'intéresse pas du tout cet enflé avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Mais oui, qu'est-ce qui t'intéresse? Le métro. Et un peu toute votre vie, Laure Murat, dans cet extrait de Zazie dans le métro de Louis Malle. Bonjour à vous. Bonjour. On s'en fout de Napoléon alors comme Zazie? Oh oui. Oui, certainement, avec son chapeau à la con. Ouais. Oui. C'est votre père qui a produit ce film de Mais oui, et c'est mon père qui se prénommait Napoléon lui-même. C'est pas rien ça quand même. Non, c'est pas rien. Et le livre est écrit en 1959 et le film est produit est réalisé surtout en 1960, donc c'est immédiat. Et c'était le dernier film qu'il devait produire, après un film de Robert Bresson, qui s'appelait Un condamné à mort s'est échappé, et puis les trois premiers films de Louis Malle, si on excepte celui qu'il a fait avec Cousteau, c'est-à-dire Les Amants, Ascenseur pour l'échafaud et Zazie dans le métro. Mmh. Voilà. Vous avez beaucoup vu Louis Malle à cette époque-là, vous étiez toute petite, mais est-ce que vous l'avez fréquenté? Alors, à l'époque de Zazie dans le métro, j'étais pas née. Oui, mais après. Après, oui, je l'ai vu. Enfin, oui, il venait à la maison, oui. Quel c'était souvenir vous charmant. Avez de lui? Ouais, c'était un homme très, très, très charmant, très, très urbain, et très délicat. Voilà, qui avait une immense culture cinématographique, évidemment. Mais qui était surtout je l'ai connu comme enfant ou adolescente. Je me souviens plus l'année de sa mort, mais enfin, j'étais jeune. Et c'était quelqu'un qui avait gardé dans ses manières à la fois quelque chose de très gracieux, de très charmant. Alors, je sais que c'est des mots un peu vagues, mais c'est cette image-là, en tout cas, que j'ai retenue. Puis, il a passé un certain temps, un moment de sa vie à Los Angeles, justement. Il avait épousé Candice Bergen, l'actrice. Et donc, il venait avec elle et leur petite fille qui s'appelait Chloé, qui doit être une grande, une femme maintenant, aujourd'hui. Voilà. C'est important d'être charmant et gracieux. Oui, bien sûr. Ouais. Ça rend la vie plus belle? Oui, plus douce, plus agréable. Mais enfin, il y a des gens rugueux qui sont très intéressants aussi. C'est pas une obligation. Mais c'est vrai que, Louis Malle avait un grand succès avec beaucoup de gens, les femmes, mais aussi les hommes d'ailleurs. Il était quelqu'un de très, oui, je répète, de très urbain. Donc vous êtes né, Laure Murat, dans cette famille-là, c'est-à-dire une famille où la culture est très présente, la culture cinématographique, mais peut-être la culture au sens large. Ah oui, très, très certainement. J'ai eu la chance d'avoir eu le père que j'ai eu. Ça, c'est parce que ce milieu-là, qui est celui de l'aristocratie, puisque mon père, en effet, était appartenait à la noblesse d'Empire et ma mère à l'aristocratie d'Ancien Régime, dans l'ensemble, est un milieu, en fait, assez inculte. Bon. Et mon père ne l'était pas du tout. C'était un très grand lecteur. Il avait une bibliothèque dans laquelle j'ai pu me promener très jeune, et il avait une vraie passion pour ça. Il a aussi écrit un livre sur Henri Michaud, il a écrit un ou deux recueils de poèmes, donc il a fait un entretien avec Borges pour les cahiers de Lerne qu'il a contribué à fonder avec Dominique de Roux. Donc si vous voulez, il avait travaillé à France Culture avec Claude Pichois, qui était le grand spécialiste de Baudelaire, bon, tout ça. Donc si vous voulez, de ce point de vue-là, c'était quelqu'un de très atypique dans son milieu, dans sa classe sociale. Il était très atypique, c'était quelqu'un de très drôle, de très flamboyant comme ça. Et donc moi, qui m'intéresse beaucoup à l'éducation et à la transmission, parce que j'ai été professeur sur le tard, mais enfin, bon. Je m'intéresse beaucoup à cette transmission qui n'est pas explicite. Et quand on a quelqu'un dans sa famille, ça peut être un oncle, ça peut être un ami de la famille, peu importe, ou une amie de la famille, qui réussit à vous faire passer son enthousiasme et une certaine énergie par rapport à ce que c'est qu'une œuvre d'art, en général, que ce soit le cinéma, il aimait beaucoup le jazz, voilà, bon, mais il avait des goûts très marqués, ça m'intéresse énormément. Donc c'est la générosité dans la transmission, ah oui, qui vous intéresse. Oui. Oui, c'est-à-dire ces deux choses. Je pense que c'est l'énergie, j'allais presque dire érotique, qu'on met dans sa passion pour l'œuvre d'art, parce que c'est très lié, bien sûr. Pourquoi c'est très lié? L'énergie érotique et la passion pour une œuvre d'art. Parce que c'est une question de forme et de pulsion. Et de désir, tout simplement, hein, je crois. Et je vois mal comment ça peut être dissocié en réalité. Quand vous lisez un texte et qu'il vous plaît, c'est toujours bien de savoir. Bon, qu'il vous plaise ou qu'il ne vous plaise pas, à la limite, ce n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi. Alors, vous rentrez tout d'un coup dans des questions très précises de style, de rythme, de pulsion. Vous voyez, donc forcément, ça a un rapport très direct avec le corps, avec l'écoute, avec ce que ça produit dans votre corps. Donc la culture et la culture générale, c'est quelque chose qui n'est pas abstrait, c'est quelque chose qui se ressent. Ah oui. Ah oui, oui, oui, oui. Plus j'avance en âge, plus je deviens matérialiste. Oui, oui, oui, c'est évidemment ça, bien sûr. Et c'est normal, j'allais dire, c'est normal. On dit toujours qu'on a un corps, mais on est un corps, surtout. Et donc, la façon dont on reçoit ces signaux est déterminante, bien sûr. On a parlé un peu de votre père, Laure Murat, et votre mère. Alors, elle s'intéressait aussi à Napoléon. Elle a écrit un livre sur Napoléon. Elle était historienne comme vous. Est-ce que vos parents étaient alignés en termes d'univers culturel? Est-ce qu'ils aimaient les mêmes choses ou est-ce qu'ils étaient, somme toute, assez différents? Ils étaient absolument opposés. Et ils étaient opposés en tout. C'était très impressionnant de ce point. Je n'ose pas demander pourquoi ils ont formé un couple tous les deux dans ces conditions-là. Écoutez, je ne sais pas, ce sont les mystères de l'amour, j'imagine. Ma mère n'aimait pas la littérature. En littérature, elle n'avait lu que 3 livres. C'était Les Mémoires d'Outre-Tombe, Les Mémoires d'Adrien et Le Quatuor d'Alexandrie. Ne me demandez pas pourquoi. Enfin bon, on devine un petit peu quand même. C'est 3 assez bons livres. Oui, oui, ce ne sont pas des mauvais livres. Mais enfin, qui ont tous des rapports très directs avec l'histoire, justement. Elle n'aimait que l'opéra, mon père n'aimait que le jazz. Elle détestait le cinéma. elle n'aimait que le jardinage que mon père détestait. Enfin bref, ils étaient absolument à l'opposé l'un et l'autre, à beaucoup d'égards. Et vous, vous avez plutôt penché du côté du jazz. De ce Django à la créole par le clarinettiste Evan Christopher que vous nous avez suggéré de passer, Laure Murat. Est-ce que cette musique, vous diriez qu'elle vous ressemble un peu? En tout cas, vous vous retrouvez dans cette musique-là? Ah, j'aimerais bien qu'elle me ressemble. ça me ferait plaisir. Ça voudrait dire quoi si elle vous ressemblait? Eh bien que, je ne sais pas, il y a une certaine... Il y a quelque chose de très mélodieux, une certaine douceur aussi, que j'aime énormément. Il se trouve que j'ai appris la clarinette, là aussi sur le tard, et ça a été une expérience très étonnante. Alors là, justement, encore, parce que ça passe par le corps, la musique qui passe par le corps, quand vous produisez des sons, enfin, c'est du bruit dans mon cas, mais enfin... Et j'étais allée voir, j'ai découvert Evan Christopher tout à fait par hasard, en allant au Duc des Lombards, au boulevard de Sébastopol, et j'ai adoré cette musique, qui me semblait... attraper comme ça des fils de plusieurs traditions en même temps et qui me plaît beaucoup. Est-ce que c'était une découverte ou est-ce qu'au fond, quand vous avez entendu cette musique, c'était plutôt des retrouvailles avec quelque chose dont vous sentiez que c'était vous déjà? Ah non, je crois que c'était vraiment une découverte. Je le connaissais à peine, en réalité. C'était, j'y allais par hasard, mais j'y suis allée avec une amie. Et c'est très marrant parce que c'est un souvenir qu'on a. Et je lui ai offert le disque le lendemain ou quelque chose comme ça. Et elle l'écoute régulièrement. C'est la sociologue Gisèle Sapiro, que j'aime beaucoup, qui est une amie à moi. Et souvent, on en parle de cette soirée un peu comme ça, miraculeuse. Voilà, on s'est retrouvés là-bas. Donc votre père aimait le jazz, il s'appelait Napoléon Murat. Je sais que vous n'aimez pas trop parler de ça, du fait que vous descendez de cette noblesse d'empire, mais on a quand même envie de vous poser quelques questions là-dessus, et notamment, est-ce que ça peut représenter quelque chose, et qu'est-ce que ça peut représenter que de descendre de la famille du roi de Naples? Qu'est-ce que ça peut représenter? Comment on le ressent quand, comme c'est votre cas, on descend de cette famille-là? Bah écoutez, il y a ni fierté ni honte à appartenir à quelque famille que ce soit. Alors après, on peut prendre le problème de façon différente, c'est-à-dire que bon, oui, la généalogie est celle-là. Alors dans le cas de Murat, si vous voulez qu'on parle précisément des choses, c'est un fils d'aubergiste qui est devenu roi. Bon. C'est quand même pas rien, ça, comme histoire. Non, il y a quelque chose d'assez romantique. Vous vous souvenez à quel âge vous avez pris conscience de ça? À quel âge vous avez découvert ces histoires? Non, je ne pourrais pas répondre à cette question. On vivait chez mes parents dans un musée. Il y avait Murat, Napoléon, absolument partout. Il y avait des objets d'art, il y avait des tableaux, il y avait des meubles, enfin tout rappelait que nous avions fait cette histoire-là. Donc vous ne vous posez pas la question s'il y a quelque chose de... Il y a une forme d'évidence, et puis un enfant ne pense pas vraiment à ces choses-là en réalité. Et après, comme je suis partie de chez mes parents assez jeune, à 19 ans, je voulais surtout m'éloigner de tout ça. Puis vous savez, ce sont les autres qui vous rappellent à ça. Et en France, on me rappelle toujours à ça. Mm-hmm. C'est presque inévitable. Mm-hmm. Alors, ça m'a beaucoup pesé, longtemps. Enfin, pesé, il y a pire dans l'existence, hein, mais c'est un petit peu fatigant. Et puis, aux États-Unis, ça n'existe absolument pas. J'ai une amie qui est une historienne des sciences, qui un jour est allée voir une exposition, et elle m'a dit « Ah, j'ai vu un tableau qui représentait sans doute ton ancêtre, qui s'appelait Marat. » Alors je lui ai dit « Non, moi c'est Murat, avec un U. » C'est un petit peu après. Et elle m'a dit « Ah, quel dommage, à une lettre près, t'aurais pu avoir un nom célèbre. » Mais vous avez fait, il y a quelques années de cela, Laure Murat, un livre sur les palais de la nation. C'était en 1997. Pardonnez-moi d'insister. Ce livre commence par des photos et des textes sur le palais de l'Élysée. Et on apprend dans ce livre que vos ancêtres ont eu le palais de l'Élysée, ont vécu dans le palais de l'Élysée. Donc vous nous dites que ça ne change rien, mais ça doit bien changer quelque chose pour vous et dans votre rapport à la France, par exemple, ou à ce qu'on considère comme étant l'histoire de France. Soit parce que ça peut être un poids, soit parce que ça peut représenter un imaginaire. Là, vous avez raison. En effet, l'aspect imaginaire est quand même très fort, puisque on est dans ce milieu-là, dans cette image. Et c'est de l'ordre de l'imaginaire. Et d'ailleurs, j'ai toujours pensé que pour moi, l'histoire, c'était de la fiction, et j'aime beaucoup retrouver, en réalité, dans les archives, par exemple, tout ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, hein, d'inverser à chaque fois la proposition entre l'imaginaire et la réalité dite historique. Parce que, au fond, peut-être que, enfant, j'ai vécu une fiction. J'ai vécu dans la fiction de l'épopée napoléonienne. Vous y croyez ? Vous pensez que c'est ça qui est arrivé ? Je pense, oui, que c'est ça qui est arrivé. Et j'ai vécu dans une fiction, c'est-à-dire dans un récit qui était toujours recommencé, qui était un récit de propagande aussi. Mm-hmm. Hein, puisqu'il y a toujours cette fierté d'appartenir génétiquement à une famille, etc. Ce qui est d'abord relativement improbable, parce qu'il y a toujours un jardinier qui passe par là, ou enfin, on n'est pas tout à fait sûr, on ne peut jamais être tout à fait sûr. Donc, bon, il y a ce côté biologisant. Ou un aubergiste. Ou un aubergiste, exactement. Il y a toujours ce côté un peu biologisant de la généalogie qui m'agace, quoi, qui je trouve un peu, c'est un peu vain, quoi, en réalité. D'autant que dans les, ben, on va pas peut-être aller trop dans le détail, mais dans mes deux familles, maternelle et paternelle, il y a des adoptions assez proches. Donc, vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire, descendre de... Oui. Voilà. Est-ce que dans votre envie de, et après j'arrête, je vous promets, de partir aux États-Unis, il n'y a pas une envie de fuir quand même ce poids-là et de fuir cette histoire-là ? Ah, c'est certain. Parce qu'à Los Angeles, évidemment, il n'y a pas le Palais de l'Élysée. Non, il n'y a pas le Palais de l'Élysée. Alors, bon, en ce qui concerne le Palais de l'Élysée, Murat a été gouverneur de Paris et le Conseil des ministres se déroule tous les jeudis, je crois, dans le salon Murat. Mercredi, je crois. Pardon ? C'est pas le mercredi ? Mercredi, c'est possible. Le jour des enfants ? Oui, exactement. Quand vous avez fait donc ce livre, vous avez visité un peu tous les palais de la République, vous avez visité Bercy également, il y a des photos de Bercy. Est-ce que vous croyez que ça change quelque chose de faire de la politique dans un palais, dans un hôtel particulier et dans un bâtiment moderne comme celui de Bercy? Autrement dit, est-ce que vous pensez que la politique française, elle n'est pas aussi influencée par le fait que l'histoire est toujours très présente dans les bureaux des ministres? Oui. Oui, vraiment, je le crois. Et ce livre essayait aussi d'identifier la géographie du pouvoir, qui se trouve quand même essentiellement dans le 7e arrondissement, dans ces hôtels particuliers. Donc, qui essaye inconsciemment ou consciemment de légitimer le pouvoir directement depuis la monarchie. Mmh. Donc, hein, c'est une sorte de succession improbable, mais qui quand même voudrait légitimer le pouvoir à travers les lieux. Et il y a toutes sortes de rituels. C'est un livre qui est très ancien. 97, là, oui. Oui, donc ça fait combien de temps ça, ça oh, beaucoup d'années. Oui, beaucoup d'années. Donc je ne m'en souviens plus très bien, mais enfin quand même, il y a un certain nombre de rituels républicains qui sont des avatars, en réalité, d'un système de cour. Donc, bien sûr, le pouvoir se met en scène absolument tout le temps, et le décor est très important. Après, ça dépend aussi des personnalités des ministres. Celui qui ne voulait pas quitter le Louvre, c'était Balladur, bien entendu. Il y avait le ministère des Finances au Louvre. Voilà. Mais est-ce que ça fait partie de la culture générale de la France ? Est-ce que ça fait partie de l'ADN français, qui doit être d'ailleurs regardé de manière un peu avec des grands yeux à l'étranger, justement que cette espèce de collusion entre la politique et puis le pouvoir royal. Est-ce que ça nous appartient, entre guillemets ? Alors, je ne sais pas, parce qu'il faudrait regarder en Angleterre, en Espagne, en Italie. En Angleterre, ils ont quand même la monarchie aussi. Ils ont la monarchie, donc voilà. Bon, même si c'est une monarchie qui n'est pas très, très puissante, politiquement parlant, en tout cas. Mais il est certain que dans la culture française, ça occupe une place écrasante et qui limite certainement beaucoup les choses. Vous pensez que c'est un problème ? Vous pensez qu'il faudrait changer ça ? Alors, je ne sais pas comment on peut changer une chose comme ça, mais je pense que oui, c'est un problème. C'est un problème parce que on est dans une société quand même, malgré tout, de privilèges. Ça me frappe à chaque fois. Les États-Unis ont plein de défauts. Je n'érige pas les États-Unis en modèle, loin s'en faut. Mais il est évident, enfin en tout cas pour moi et pour beaucoup de gens, et pour des gens de gauche, j'insiste, il y a une sensation aux États-Unis qui est une sensation démocratique. C'est-à-dire que quand vous marchez dans la rue, que ce soit à New York ou en Alabama ou à Los Angeles ou que vous soyez, il y a cette sensation qu'il n'y a pas d'hégémonie, de hiérarchie, de pouvoir vertical. C'est-à-dire que quand vous rencontrez des gens dans la rue que vous ne connaissez pas, que vous demandez votre chemin, vous ne regardez ni de haut, ni depuis en bas. Il n'y a pas cette obsession française. Alors, est-ce que ça vient aussi du fait que le marxisme aux États-Unis n'a pas du tout la même histoire qu'en France ? Je pense surtout à la lutte des classes, en réalité. Puisqu'il y a cette espèce de rêve américain. Vous savez, il y a un humoriste très célèbre qui disait qu'on appelle ça le rêve américain parce qu'il faut dormir pour y croire. Quoi. Bon. Mais il y a ce fantasme que tout le monde appartient à la classe moyenne et que donc il n'y a pas de... Oui, or les chiffres montrent que les inégalités sont bien moindres en France, par exemple, qu'aux États-Unis. Voilà, exactement. Donc, vous voyez, il faut balancer un petit peu les choses. Mais il n'empêche qu'aux États-Unis, même s'il y a bien entendu le pouvoir de l'argent, les différences sociales, etc., et évidemment que ça existe, vous avez cette sensation et cette espèce de principe de base d'une démocratie et d'une facilité à communiquer avec qui que ce soit sans faire allégeance, sans convoquer une histoire qui serait déjà qui imposerait quelque chose à la conversation d'entrée de jeu. Mais alors peut-être que précisément c'est par l'histoire et par l'enseignement de l'histoire, par une culture générale différente, que peut-être en France on pourrait arriver à ce que ces hiérarchies symboliques soient moins prégnantes. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait enseigner l'histoire un petit peu différemment ? Alors, je vais avoir du mal à vous répondre, parce que même si j'ai un doctorat en histoire, j'enseigne la littérature. Mais je vais vous donner un exemple précis parce que c'est toujours mieux. Par exemple, on me demande, pour mon malheur, de faire un cours sur Paris, que je fais depuis de nombreuses années. Pour votre malheur. Mais oui, parce que j'en ai un petit peu assez, vous voyez. C'est assez... Quand vous venez en France, tout le monde vous demande si vous êtes noble, et puis aux États-Unis, tout le monde vous demande de parler de Paris. Chacun voilà. A un peu ses obsessions. Voilà. Alors bon, l'histoire de Paris, c'est très passionnant, par ailleurs, hein, c'est très intéressant. Et j'essaye de faire de mon mieux pour leur expliquer justement un certain nombre de différences sociales, même dans le tissu urbain de Paris. Et c'est très passionnant. Je convoque, au fond, beaucoup l'histoire dans mes cours de littérature, même si c'est bien des cours de littérature exclusivement. Celui-là est vraiment ce qu'on pourrait appeler un cours de culture générale sur Paris, où j'essaye de mobiliser différentes choses, et notamment le Paris des Révolutions. Alors Laure Murat, votre père faisait aussi partie de l'aventure des éditions de Lerne, et c'est justement de cela qu'a choisi de parler Romain de Bec de Lièvre. Bonjour à vous Romain. Bonjour Mathieu et bonjour Laure Murat. On écoute votre pièce jointe et puis vous pourrez ensuite, Laure Murat, réagir. Au début des années 60, l'éditeur Dominique de Roux se lance dans une grande aventure éditoriale, une série de livres qui est encore à ce jour en activité, les Cahiers de Lerne. La collection est elle-même issue des éditions de Lerne, une première structure créée par Dominique de Roux et dont le nom trouve son origine dans un monstre terrifiant qui figure parmi les 12 travaux d'Hercule, l'Hydre de Lerne. Sauf que Dominique de Roux change l'orthographe de la bête, Lerne, L-E-R-N-E, devient Lerne. L'H-E-R-N-E. Il faudra un jour d'ailleurs se pencher sur l'affinité mystérieuse qui relie les éditeurs à des bêtes fabuleuses ou inquiétantes, que l'on songe par exemple aux éditions du Scorpion, fondées par Jean Daluin, aux éditions du Félin, ou encore à celle du Palimugre, mot qui ne veut rien dire, fondée par Jean-Jacques Pauvert. Dès leur origine, l'ambition des Cahiers de Lerne fut de rassembler des textes de nature et d'horizons très divers, des gloses, des inédits, des souvenirs ou des témoignages, pour construire le portrait d'un auteur ou d'une pensée. Le premier auteur à entrer, comme on dit, dans la collection des Cahiers est René-Guy Cadou, un poète tombé malheureusement dans un oubli relatif, puis c'est au tour du romancier Georges Bernanos, et puis, très vite, la collection prend un virage international. On écoute Dominique de Roux s'en expliquer et parler de sa collection plus de 10 ans après sa fondation, en 1973. Je me rendais compte qu'en France, il y avait une tradition de ne pas faire attention à ses voisins, c'est-à-dire de considérer qu'il n'y avait que la littérature à Paris, dans un temps où Paris n'était déjà plus la capitale du monde sur le plan, disons, artistique. Donc, n'ayant pas d'argent pour créer une revue, il me fallait donc songer à mettre sur pied cette espèce d'idée encyclopédique que j'avais de créer un ensemble, une série de grands dossiers un peu encyclopédiques, mais assez partisans, où j'aurais fait ressortir des écrivains estompés pour des raisons idéologiques, mais dont le talent m'apparaissait comme nécessaire à des gens qui aujourd'hui ont 20 ans et veulent écrire. La France littéraire ne regarde pas assez du côté de ses voisins, proches comme lointains, et le reproche de Dominique de Roux demeure pour le moins actuel. Les Cahiers de Lerne cherchent donc à réparer ce tort et affichent rapidement dans leur publication cette ambition mondiale. Les auteurs qu'ils traitent forment, à lire la liste du catalogue, un attelage absolument hétéroclite, des esthétiques très variées et des orientations politiques qui vont un bout à l'autre du spectre se côtoient. On trouve ainsi l'écrivain argentin Jorge Luis Borges, que Dominique de Roux connaissait bien, le poète avant-gardiste Ezra Pound, auteur de Cantos halluciné, qui s'engagea un certain temps sous les bannières sordides du fascisme mussolinien. On croise aussi le romancier beat américain William Burroughs, adepte du cut-up et de divers psychotropes, le poète italien Giuseppe Ungaretti, auteur de poèmes pulvérisés par la guerre, aux antipodes, le romancier Howard Phillips Lovecraft, le génie du fantastique insaisissable né à Providence, Rhode Island, le dramaturge marxiste iconoclaste Bertolt Brecht, et puis le polonais Witold Gombrowicz, et puis, comme disait Don Ruy Gomez dans Hernani de Victor Hugo, j'en passe et des meilleurs. La succession des noms d'auteurs publiés par les Cahiers de Lerne donne littéralement le vertige. L'Hydre éditorial étend ses têtes chercheuses à travers une foule de pays, de traditions et de formes littéraires, d'idées politiques ou sociales. Les illusions rétrospectives ne doivent cependant pas altérer notre perception. Consacrer une revue à Lovecraft en 1969 alors qu'il est considéré comme un banal auteur de gare est un geste de publication très fort. De même pour les écrits avant-gardistes de Burroughs, Claude Pellieu et Bob Kaufman en 1968. Se dessine alors, sinueuse, vivante et risquée, une véritable ligne éditoriale. Merci beaucoup Romain de Bec de Lièvre, Laure Murat, cette ligne éditoriale qui est celle qui a été celle et qui continue de l'être des Cahiers de Lerne, elle a tendance à créer précisément une culture commune, un peu comme d'autres grandes collections, comme la Pléiade par exemple. Donc il y a quelques personnes comme ça qui sélectionnent, au fond, ce qui devrait être notre panthéon à tous. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche? Est-ce que c'est ça, une culture générale pour un État, un pays, ou même une zone littéraire, la zone francophone? Est-ce que c'est comme ça qu'on crée du commun? Alors, j'aurais tendance à dire oui et non. Oui, parce que en effet, on a besoin d'un certain nombre de repères. Maintenant, je suis assez hostile à toute idée de canon qui est très restrictive. Et d'ailleurs, les exemples que vous avez cités sont aussi dénotent aussi l'idéologie quand même très droitière de Lerne, de Dominique de Roux. Ça, c'est évident. Moi, je me félicite beaucoup de lire aujourd'hui le cahier de Lerne sur Annie Ernaux, que j'ai acheté hier et que je trouve passionnant. Donc ça, c'est un bon exemple, je crois, de les cahiers de Lerne, c'est devenu une référence, hein. Et voilà, Annie Ernaux rentre dans les cahiers de Lerne, c'est un peu l'équivalent de rentrer dans la Pléiade, donc quelque chose, pas forcément ce que souhaite un auteur de trop vite, mais ça, c'est intéressant aussi, de voir comment les choses évoluent et comment elles sont intégrées petit à petit à cette culture commune. Mais quand on dit culture commune, j'ai toujours peur qu'on dise culture hégémonique. C'est là évidemment où c'est compliqué. C'est-à-dire que dès qu'un auteur rentre dans la Pléiade, il fait partie d'une culture hégémonique ou dans les cahiers de Lerne, non ? C'est un peu automatique. Culture hégémonique. Alors maintenant, évidemment, ça ne dit pas grand-chose non plus de la postérité. Je suis pas sûre que Jean d'Ormesson dans son temps. Vous attendiez à ce que Pléiade. Je dise ça. Oui. Je n'en suis pas sûr. J'ai rien contre Jean d'Ormesson spécifiquement, mais enfin, je ne pense pas. Personnellement, je peux me tromper. Personne ne peut savoir ce que dira la postérité dans 100 ans. Mais enfin, voilà. Il y a aussi, évidemment, vous savez, le cinéma est aussi une industrie, mais l'édition aussi. Mais ça fait partie de la culture générale, Jean d'Ormesson, parce que beaucoup de Français ont lu Jean d'Ormesson. Et la culture générale, c'est aussi ce qui fait lien entre les gens. Alors ça, c'est mon problème personnel, mais je pense que tout le monde a un problème personnel avec la culture générale, c'est qu'il y a culture et il y a général. Et c'est le général qui, bien sûr, est presque antithétique du mot culture. Qu'est-ce qu'il y a dans ce général ? Est-ce qu'il y a une espèce de nivellement ? Est-ce qu'on ne comprend pas très bien ? En revanche, mais cela dit, définir le mot de culture est aussi extrêmement compliqué, parce que moi je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle la culture populaire, ou les arts décoratifs, vous voyez, des choses mineures. Alors, il faut toujours dire mineur, majeur, les arts majeurs, etc. Et ça, ce sont des limitations que je trouve dangereuses et souvent pas intéressantes, d'ailleurs. Vous savez, Gérard Genette, qui était ce grand théoricien de la littérature, démontrait très bien que la question n'est pas de savoir, et pourtant Dieu sait si on l'a posé, qu'est-ce que la littérature, mais quand y a-t-il littérature ? Donc. Alors quand y a-t-il littérature ? Quand est-ce qu'on peut dire qu'on est face à une œuvre littéraire ou pas ? Parce que c'est un petit peu les enjeux qui traversent aujourd'hui la société, c'est de savoir si toutes les œuvres se valent ou si on peut et on doit faire une hiérarchie entre les œuvres. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que moi j'en pense ? Oui. Je ne suis pas là pour répondre aux questions, je pense que les auditeurs m'en voudraient. C'est trop facile ça. Ah ben oui, mais... tout ce qui est de... Vous savez, on est dans une société comme ça, il y a les prix littéraires, il faut sortir du lot, il faut classer, il faut... Et je ne suis pas favorable à ça, pas du tout. On ne peut pas faire autrement, en quelque sorte. Mais regardez, ce fameux canon littéraire a exclu les femmes jusqu'à une date très récente, ce qui est tout à fait ahurissant, en particulier aux États-Unis où ces choses-là ont été beaucoup intégrées depuis longtemps maintenant. Et ça change du coup plus vite aux États-Unis. Ça change plus vite aux États-Unis et ça arrive maintenant, je remarque, un peu plus vite en France. C'est-à-dire, vous savez, la fameuse exception culturelle, c'est qu'on a 10 ans de retard. Hein, c'est ça l'exception culturelle. Donc maintenant, il n'y a pas 10 ans, il y a 5 ans. Vous voyez, ça commence à se réduire un petit peu. Ça ne veut pas dire que ce qui se passe aux États-Unis, c'est mieux qu'en France et qu'heureusement, on intègre tout ça. Mais on est un peu lent à bouger, je trouve. Est-ce que vous pensez, malgré tout, il faut une culture qui soit la même pour tous, c'est-à-dire un socle qui soit un socle commun, ou est-ce qu'au fond ça c'est un peu des vieilles idées et que c'est pas comme ça qu'on fait société ? Un socle commun ou sinon, c'était quoi la première L'option c'est un socle commun pour tous, oui. Ou alors finalement la juxtaposition des cultures de chacun, c'est-à-dire sans commun, obligatoirement en prenant comme principe que finalement toutes les cultures peuvent cohabiter et qu'il n'y a pas besoin qu'on connaisse obligatoirement la culture, pas forcément la culture des autres, mais qu'on se mette d'accord sur ce qui pourrait être une culture qu'on aurait tous ensemble. Vous voyez, vous avez passé le petit document de Dominique Deroux où il disait quand même, c'était qu'en 1960, le 73, voilà, où il disait voilà qu'on s'intéressait pas à nos voisins. Bon, ne serait-ce que ça, je trouve que oui, il faut ouvrir. Alors juxtaposition, c'est pas un mot que je récuserai. La juxtaposition, ça me semble intéressant, l'ouverture. Alors après, évidemment, toutes ces choses-là sont compliquées parce que vous savez, c'est comme quand on parle d'inclusion, mais qui est-on pour inclure ? C'est déjà qu'on se positionne dans supérieurement, en quelque sorte. Tous ces mots de diversité, ces mots, tout ça, ce sont des concepts qui sont assez flous. Ce que je sais, c'est que le canon a beaucoup exclu essentiellement. Mais peut-être qu'il faut créer un nouveau canon qui pourrait englober justement toutes les sensibilités, toutes les communautés, mais qui serait négocié en commun. Oui, alors en fait, ce dont vous parlez, et c'est une des questions qui moi en ce moment m'intéresse énormément, c'est le problème de l'universel. En réalité, de l'universalité. Et en France, c'est un bon exemple, parce que c'est homothétiquement, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en France, on est obsédé par l'universalisme, voilà, celui du... C'est l'héritage des Lumières. L'héritage des Lumières, bon. Et dont on voit bien qu'il a produit aussi des catastrophes, la colonisation, l'exclusion des femmes, etc. Bon. Et on s'accroche à ça de façon presque hystérique, maladive, alors que je crois que la question de l'universel doit être élaborée à partir de questions, pas forcément à partir de listes ou de canons, mais à partir de questions. Et c'est peut-être par là qu'on atteindrait à une vraie culture générale. Et quelles questions ? Mais des questions qui pourraient être tout à fait philosophiques. Si vous prenez par exemple, vous prenez un thème, une question. Qu'est-ce que le style ? Voilà une question vraiment très classique. Et à partir de cette interrogation, faire rentrer 1000 références, qui ne soient pas nécessairement Gustave Flaubert et Marcel Proust. Que vous aimez bien quand même. Ah ben, je les adore tous les deux, il n'y a aucun problème avec ça. Mais voilà, donc je crois que, vous savez, j'ai détesté l'école, mais alors détesté à un point, mais effrayant. Je n'avais qu'une idée, c'était d'en sortir. Ce que j'ai fait, puis maintenant je me retrouve. On finit toujours par en sortir. Oui, oui, ah ben ça dépend, mais enfin. Et je crois que c'était aussi pour ça, parce qu'il y avait ce cadre extrêmement rigide, ces choses qu'il fallait savoir. Alors évidemment, la culture passe par des références obligées, d'une certaine façon, bien obligées de savoir un minimum sur la Révolution française, par exemple. Mais sur Flaubert, on n'est pas obligé de connaître Flaubert. On vit très bien sans connaître Flaubert, au fond, c'est ça que vous dites. En êtes-vous bien sûr ? Ah ben je ne sais pas, mais vous dites qu'il n'y a pas besoin d'avoir un canon. Donc Oui, oui, non, mais en même temps, il faut un certain, comme vous disiez, un certain socle quand même, une sorte de référence à minima. Mais je donc trouve on met Flaubert dedans, ok. On n'ouvre pas suffisamment, et surtout on ne met pas suffisamment en rapport. Vous avez fait une émission ici même avec Nathalie Quintane, qui est quelqu'un justement qui arrive à attraper dans la société contemporaine, dans la culture contemporaine, des choses qui ont des échos directs avec Rimbaud, par exemple, etc. C'est ce genre de choses-là qu'il faut travailler. Mais pour cela, encore faut-il connaître Rimbaud, non ? Bien entendu. Donc bien c'est entendu. Ce socle-là bien entendu. Dont il pourrait être question. Oui. On lit beaucoup en allant ou en revenant de son travail. On pourrait classer les lectures selon le mode de transport. La voiture et le car ne valent rien, lire donne le mal de tête. L'autobus est mieux adapté, mais les lecteurs y sont plus rares que ce qu'on pourrait penser, sans doute à cause du spectacle de la rue. Le lieu où l'on lit, c'est le métro. Cela pourrait presque être une définition. Je m'étonne de ce que le ministre de la Culture ou le secrétaire d'État chargé des universités ne se soient pas encore écriés « Cessez, messieurs, cessez de réclamer de l'argent pour les bibliothèques. La vraie bibliothèque du peuple, c'est le métro !» Tonnerre d'applaudissements sur les bancs de la majorité. Du point de vue de la lecture, le métro offre deux avantages. Le premier est qu'un trajet en métro dure un temps presque parfaitement déterminé, environ 1 minute et demie par station. Cela permet de minuter ses lectures. Deux pages, cinq pages, un chapitre entier, selon la longueur du trajet. Le second avantage est la récurrence bi-quotidienne et pinta hebdomadaire des trajets. Le livre commencé le lundi matin sera terminé le vendredi soir. Sans oser le demander, Mathieu Garrigou-Lagrange. Donc à Los Angeles, Laure Murat, il y a un métro à Los Angeles, mais c'est un peu loin de chez vous, il faut déjà marcher 20 minutes avant d'arriver à la station, donc bon, vous prenez plutôt alors le scooter, je ne sais pas, je sais que vous prenez beaucoup le scooter à Paris. À Los Angeles, je ne sais pas ce qu'il en est. Oui, j'ai eu un scooter longtemps à Los Angeles, mais j'ai des problèmes de dos et j'ai dû abandonner. Bon, en tous les cas, dans le métro, vous ne lisez pas, ou pendant longtemps vous n'avez pas lu parce que vous étiez trop occupé à regarder ce que les autres lisaient. Vous en avez tiré un petit livre, Flaubert à la mode piquée, et c'est une petite enquête empirique sur comment on lit dans le métro et qu'est-ce qu'on lisait dans le métro. Alors on trouve un peu de tout, il y a du Grégoire de la Tour, du Dino Buzzati, du David Foenkinos, du Diderot. Qu'est-ce que vous avez conservé de cette expérience amusante, au fond, de savoir ce qu'on lisait dans le métro, et parce que ça aussi c'est une expérience in situ de connaissance de la culture générale de ses contemporains. Oui, ça m'a beaucoup amusé de faire ça. Ça a démarré un petit peu par hasard parce que il se trouvait qu'à cette époque-là, je faisais une enquête sur la relecture et donc j'allais voir des écrivains essentiellement à Paris pour les interroger sur ce qu'ils relisaient. Est-ce que lire un livre en traduction, c'est relire? Est-ce que oui, et dans la langue originale, bien sûr. Évidemment, le rapport à l'enfance, le rapport à l'onanisme, le rapport, etc. Et c'était très intéressant. Et donc, dans ces trajets en métro, à un moment donné, je me suis retrouvée à côté d'un bonhomme qui avait un carnet sur ses genoux où il y avait des titres qui n'avaient pas de rapport. Donc, il y avait Madame Bovary, puis il y avait Autant en emporte le vent, puis il y avait des choses, des manuels de bien-être. Enfin, ça n'avait pas de sens comme une liste de livres qu'on pourrait aller acheter. Il n'y avait pas de cohérence en tous les cas. Il n'y avait pas de cohérence, voilà. Et puis tout d'un coup, j'ai vu qu'il y avait une jeune fille qui lisait Les souffrances du jeune Werther, et il a noté Les souffrances du jeune Werther. Et donc j'ai compris, enfin je lui ai piqué son idée, quoi, en gros, j'ai compris qu'il notait dans un carnet ce que lisaient les gens dans le métro. Et je me suis dit, mais voilà, c'est une idée toute bête, mais d'abord ça m'a fait passer le temps dans le métro, et alors il n'y a évidemment aucune valeur sociologique, scientifique à mon enquête, c'est juste... Mais il y a un intérêt pour ce que lisent vos contemporains. Oui. Un intérêt qui est une inquiétude ou qui est juste une curiosité? Je crois que l'intérêt, c'est toujours un peu une inquiétude, fondamentalement. Mais enfin, et en même temps, c'était un grand plaisir de... Là aussi, c'était une affaire de corps, hein, de voir comment un corps s'absorbe et s'absente aussi dans un texte. Alors qu'on est dans un wagon, quelquefois bondé, etc. Et de voir la... Enfin, de faire des micro-fictions, c'était pas des fictions, enfin, je dans le sens où j'ai vraiment noté ce que je voyais. Mais c'était un exercice très, très plaisant, quoi, et puis très instructif. Parce que assez surprenant, quelquefois, aussi. En essayant, évidemment, de suspendre le jugement, de pas... Quelquefois, c'est un peu difficile, mais... Oui, il y a certains auteurs dont on sent qu'ils vous intéressent moins que d'autres, mais je ne vais pas donner de nom. Non. Et alors, votre enquête sur la relecture est aussi très intéressante. Vous y expliquez que, au fond, quand on s'intéresse à la relecture, on ne peut plus s'intéresser à la narration, on ne peut plus s'intéresser à l'histoire, parce qu'au fond, on connaît déjà la fin. Et donc, un bon livre, c'est un livre qui se relit, et donc c'est un livre qui va au-delà de ce qui est raconté dans le livre. Est-ce qu'on peut dire ça, Laure Murat ? On peut dire que... Vous savez, c'est la définition que Calvino donnait des classiques. Hein. Donc c'est ce livre qu'on peut relire éternellement. J'aime beaucoup cette phrase de Proust, qui d'ailleurs s'applique très bien à lui-même, et qu'il dit de Vinteuil, il dit de Vinteuil, c'était un novateur pour l'éternité. C'est-à-dire que vous avez des textes où il y a une telle prolifération du sens que vous le lisez une année, vous le lisez deux ans plus tard, vous le lisez, etc. Et vous trouvez à chaque fois que c'est une banalité que de dire ça. Mais ça se, quand même, ça se vérifie. Et au fond, je crois que pour beaucoup de lecteurs, et peut-être sûrement de grands lecteurs, l'intrigue est très secondaire, bien entendu. C'est une expérience, la lecture. C'est une expérience sensorielle. Et pourtant, aussi. On remarque que la plupart des lecteurs, la masse des lecteurs s'intéressent avant tout à l'histoire, et que les livres les plus lus sont des livres à histoire et des livres qu'on ne relit pas. Des livres à histoire qu'on ne relit pas parce qu'on connaît la fin ? Non, mais il me semble, peut-être oui. que je me trompe, que la plupart des gros tirages de livres sont des livres qui racontent des histoires et sont, mais peut-être encore une fois que je me trompe, pas des livres qu'on va relire dans les conditions que vous décrivez, leur Murat, où à chaque fois... Est-ce qu'on retrouve à chaque fois quelque chose de nouveau dans un livre ? Je ne sais pas, je ne vais pas citer de nom, mais enfin, tout le monde voit bien. Parce que là, vous parlez de best-seller, par c'est exemple, ça ? Oui, oui. Ah oui. Alors là, je ne suis pas compétente. Oui. Oui ça, vous êtes plutôt compétente en Proust. La lune blanche. Chaque branche par une voix sous la ramure. Oh, bien aimé. Reflète profond miroir la silhouette du saule noir où le vent pleure rêvons c'est l'heure exquise chantée par Michel Carré, avec au piano Jean Martin sur un texte de Paul Verlaine et une musique de Reynaldo. Anne, je ne sais pas si c'est l'interprétation que vous préférez, Laure Murat. En tout cas, c'est une musique que vous nous avez demandée. Pour quelle raison ? Alors, je crois qu'il existe un enregistrement avec la voix. Alors, on ne l'a pas trouvé. De Reynaldo avec la voix de Reynaldo Anne, on a cherché beaucoup, mais on ne l'a pas trouvé. Très gentil à vous, trouvé. En tout cas. Ouais. Alors, oui, c'est bien sûr celle-là que je préfère, parce que c'est très émouvant pour moi de. Enfin, pour moi, pour plein de gens, d'entendre la voix de Reynaldo Hahn. J'aime beaucoup cette musique. Reynaldo Hahn qui était l'amant de Proust. Qui a été l'amant de Proust, oui, pendant deux ans, qu'il a rencontré, je crois, chez Madeleine Lemaire. Et Madeleine Lemaire a été un peu la marraine de cet amour-là. Voilà. Après s'être séparés, Proust et Reynaldo Hahn en sont restés très amis jusqu'à la mort de Proust. J'aimerais qu'on revienne encore un petit peu sur votre parcours à vous, Laure Murat, et votre parcours scolaire. Vous avez dit que vous n'avez pas du tout aimé l'école, vous n'avez pas du tout aimé l'atmosphère de l'école, ou alors non, le carcan que représentait l'école pour vous. À partir de quand est-ce que finalement ça a commencé à vous intéresser ? Parce que vous êtes toujours dans le système scolaire, parce que vous êtes enseignante. Oui, ça c'est un peu un paradoxe. Écoutez, j'ai toujours vraiment détesté ça, donc je suis partie, comme je vous disais, de chez moi à 19 ans, je n'ai pas fait d'études. Vous avez quand même été en histoire de l'art pour étudier l'histoire de l'art, non ? J'ai fait une année d'histoire de l'art après le bac, mais je n'allais pas au cours, quoi. En fait, j'allais au cinéma, à la cinémathèque. Et même l'histoire de l'art, ça ne vous a pas intéressé ? Mais je crois que c'est pas. Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, mais la façon dont c'est enseigné, ça, j'ai envie de hurler, quoi, souvent. C'est le cours magistral qui a vous ah fait non, hurler. Ça c'est très bien quand c'est Deleuze qui fait le cours magistral, moi je veux bien suivre. Non, je pense qu'il y a, mais vous savez, c'est comme dans tous les métiers, hein, il y a les compétences sont assez, enfin, 80% de gens qui font des cours ennuyeux. Ça, vraiment, je le pense. Mm-hmm. Mais comme il y a relativement peu de médecins qui sont compétents, enfin, etc. C'est dans tous les métiers. C'est pas spécifique à l'enseignement. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est la façon dont c'est fait. Alors, est-ce que c'est parce que ces gens qui enseignent ont été formatés d'une certaine façon et qu'ils reproduisent mécaniquement quelque chose qui fait que la transmission se fait mal? En tout cas, elle s'est pas faite avec moi, ça c'est sûr. Mais après, il y a plein de gens que ça satisfait, vous voyez, c'est juste moi, c'est pas... Et les 20% qui restent, vous vous en souvenez, des professeurs qui ont réussi à capter votre attention et à vous passionner? Non, parce que à l'école, je les détestais tous et toutes, puisque j'étais en plus dans une école religieuse. Après, j'ai travaillé. Comme journaliste? Comme journaliste, dans des revues d'art, et d'autres revues aussi. Et puis, en 96, je crois, ou 17, j'ai été invité par l'École des Beaux-Arts à faire un cours sur la théorie de la critique d'art. C'est un titre bien pompeux pour ce que j'avais à dire, mais... Et tout d'un coup, en enseignant, je me suis rendu compte que j'adorais ça. Mm-hmm. Alors que j'avais pas été à l'université, j'avais eu mon bac de justesse, enfin, j'étais une élève médiocre, enfin vraiment, c'est voilà. Et ça, c'était très... Les Américains appellent ça « on the other side of the desk », hein, de l'autre côté du bureau. Tout d'un coup, j'ai trouvé ça formidable. Et pourquoi? Qu'est-ce qui, tout d'un coup, a changé pour vous? C'est un autre rapport au savoir, parce que vous le preniez, au fond, de la façon qui vous intéressait, vous? Sûrement. S'il y a aucun doute là-dessus. Et que vraiment j'étais très excitée, oui, à l'idée de comprendre comment faire passer quelque chose, comment le rendre intéressant. Mmh. C'est beaucoup de travail, hein. C'est toute une alchimie aussi. Alors, plus on connaît son sujet, et mieux on peut le faire passer aux élèves. Il y a ça. Enfin, c'est un ensemble de choses qui est assez, c'est pas mystérieux, mais il y a quelque chose d'un peu alchimique dedans. C'est-à-dire, voilà, il y a une certaine expérience de vie aussi, de lecture que vous avez faite, de rencontres que vous avez faites. Bon, et il y a quelque chose qu'il faut faire passer. Il faut faire passer du désir. Ça, c'est pas très commode, c'est très compliqué, parce qu'il faut sentir les atmosphères, les espaces, les gens que vous avez en face de vous, les équilibres dans une salle. C'est compliqué. Donc vous arrivez dans une salle, un peu comme vous rentrez dans une arène, ah oui, et vous sentez la salle. Et en fonction de cela, vous adaptez votre comportement, votre cours. Oui, complètement. Alors, bon, donc j'ai fait ça pendant quelques mois à l'École des Beaux-Arts. Et je me suis dit, mais au fond, c'est complètement idiot. J'avais une trentaine d'années déjà. Je me suis dit, c'est idiot parce que je devrais être professeur. C'est ça mon truc. Mais j'avais rien. J'avais mon bac avec mention passable. C'est pas avec ça que vous enseignez. Et donc, j'ai fait le diplôme de l'École des hautes études, qui est un diplôme qui existe toujours, je crois. Donc, parce que j'avais déjà écrit des livres, etc. Donc, je partais pas de zéro non plus. Et donc, j'ai publié, enfin, j'ai écrit ces 100 pages qui m'ont fait passer dans l'école doctorale. Mmh. Et au moment où j'allais enfin suivre des cours, pour la première fois de ma vie, j'ai été invité à l'Institute for Advanced Study à Princeton. Alors comment est-ce qu'on passe de bac passable à une invitation dans une des universités les plus prestigieuses du monde? Alors, l'Institut, c'est pas l'université, c'est juste à côté, mais c'est sur le campus en tout cas. C'est sur le campus, absolument. Enfin, c'est mitoyen. Et c'est pour les chercheurs en réalité. Et comme je rentrais en thèse en réalité, voilà. Mais j'avais écrit des livres qui avaient déjà reçu des prix, justement, mmh, on y revient, et qui avaient déjà eu vous avez réussi à contourner le système habituel, qui est très lourd, en effet. Et j'ai écrit ma thèse à Princeton, je l'ai soutenue à Paris, et dans l'intervalle, j'ai été engagée à UCLA. Si bien que... Donc à Los Angeles. J'ai bien... un doctorat, j'ai bien une thèse, je ne l'ai pas trouvée dans une poubelle, mais je n'ai jamais suivi de cours. C'est-à-dire que je suis un professeur qui n'a jamais été enseigné lui-même ou elle-même. Si bien que quand je suis arrivée à Los Angeles, à 10 000 km de Paris, je parlais très mal l'anglais, j'ai commencé à enseigner, je n'avais aucun outil. Alors, je crois que le premier cours a été une catastrophe, hein, entre nous. Bon, après, ça s'est amélioré. Et certains étudiants, il y a très peu de gens qui savent ça, hein, que les étudiants ne savent pas mon parcours bizarre, là. Vous savez, c'est comme les appartements atypiques, vous savez, les espaces atypiques, ces appartements qui ne se vendent pas, vous savez, parce qu'ils sont complètement biscornus. C'est comme un loft pour vos étudiants. Oh, oui. Mais j'ai souvent, enfin, plusieurs fois, j'ai des étudiants qui m'ont, des étudiants en doctorat, des étudiants avancés, qui m'ont dit, c'est marrant, vous n'enseignez pas comme les autres. Ils sentent bien qu'il y a quelque chose. Alors, je ne peux pas vous dire comment je fais, puisque je ne sais pas comment ils font. Mais comment vous préparez votre cours ? Oh ben je prépare comme tous les autodidactes font, c'est-à-dire que j'en fais 10 fois trop. Et parce que j'ai toujours peur d'être dans l'imposture, puis pas à la hauteur. Enfin, je suis très angoissée avec ça. Enfin, angoissée, je surmonte, hein, c'est pas, ça va. Et au fond, après, ça fait 16 ans maintenant que je fais ça, et vous vous rendez compte qu'il n'y a rien de mieux que l'improvisation. En réalité. Mais pour improviser, il faut avoir beaucoup, beaucoup travaillé avant, sur des années. Et vos étudiants vous le rendent et vous rendent heureuse. Vous voyez dans leurs yeux ce qu'il n'y avait pas dans vos yeux d'étudiante à vous, quand vous étiez en âge d'être étudiante. Oui, je les lâche pas des yeux, parce que, vous savez, un étudiant, une étudiante, dans n'importe quel pays du monde, au bout de 10 minutes, la tension baisse. On le sait, ça a été mesuré scientifiquement, bon. Donc, il y a ces fameuses 10 premières minutes, et puis après, il faut constamment relancer. Il y a beaucoup de l'acteur, hein, dans ce métier. Enfin, il y a beaucoup de la performance, plus exactement. Mm-hmm. C'est une vraie performance. D'ailleurs, après, vous êtes crevé. Hein. Mm-hmm. Après 3 heures de séminaire, c'est épuisant. Alors, quand vous êtes trop fatigué, vous vous octroyez un regard par la fenêtre sur les palmiers de ce beau campus de UCLA, où il y a aussi des palmiers, parce que vous adorez cet arbre-là, c'est l'arbre fétiche de Los Angeles. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Parce que maintenant, votre culture, c'est une culture d'Angelina, oui, c'est comme c'est ça qu'on dit ? Oui, c'est comme ça qu'on dit, absolument. Qu'est-ce que représente le palmier ? Mm-hmm. Le palmier, il représente la légèreté, je crois. Je suis très, très sensible à ça. Et puis, c'est pas un arbre, c'est une plante, mais une plante géante. Et qui se balance. Ça représente, je pense, l'insouciance aussi. Puis le côté un peu chromo-exotique. Hein. Tous les Français sont un petit peu, comme ça, sensibles. Même après 17 ans ? Oui. Je suis toujours... ému par cette présence, voilà, qui est exogène en plus, hein. C'est pas du tout un arbre une plante qui est originaire de Californie. Aujourd'hui, il y a des palmiers même dans le nord de la France, hein. Il paraît. Mmh. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Laure Murat, d'être venue aujourd'hui partager un petit peu ce que c'était que la culture générale selon vous. Il y a énormément de livres de vous qu'on peut lire. Je pourrais citer par exemple « Ceci n'est pas une ville ». Il y est question justement des palmiers et de votre arrivée à Los Angeles, parce que c'est la première plante que vous avez vue en descendant de l'avion et ça vous a beaucoup enthousiasmé. Mais on pourrait citer aussi Flaubert à la mode piquée, dont on a un petit peu parlé aujourd'hui. Et puis votre dernier ouvrage, il s'appelle « Qui annule quoi ?» et il a paru il y a peu dans la collection Libelle, la collection Libelle qui est une nouvelle collection de petits essais, de petits pamphlets des éditions du Seuil. C'était Sans oser lui demander, une émission à retrouver évidemment sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. N'hésitez pas non plus à farfouiller dans nos archives, quand même le faire Laure Murat avec ses archives à elle, pour y trouver votre bonheur.